Chapitre 9e, 2 pour 1. L'attaque avait été si imprévue, si soudaine. Elle s'était produite en un moment où Fouinard songeait si peu à un guet-apens possible, qu'il avait été impossible de se mettre en défense. Il était pris, et bien. D'ailleurs, il ne réfléchissait pas. La brutalité de ses agresseurs avait porté à son cerveau une commotion violente. Il en était résulté une sorte d'évanouissement, non pas complet, mais pareil à un demi-sommeil. Que se passait-il? L'automobile, en les avenues qui avoisinent la place d'Italie, et qui à cette heure sont presque absolument désertes, roulait avec une rapidité vertigineuse. Trois hommes se trouvaient à l'intérieur, surveillant Fouinard, qui, renversé sur la banquette du fond, ne donnait pas signe de vie. De ces trois hommes, deux réalisaient en toute sa laideur le type connu des Apaches, figure jeune, mais déjà plombée, petite moustache aux pointes cirées, cheveux collés sous la casquette à visière plate. Le troisième était plus âgé, environ 40 ans, face glabre, large, avec un nez très fort et une bouche lipue, qui laissait voir une denture très blanche. Il était en veston rayé. Le Whiteman appartenait à la catégorie des hommes de sport, costume de drap anglais, face sans barbe ni moustache, de teinte maladive. Tout à coup, ayant tourné dans une ruelle assez étroite, l'automobile stoppa. Fouinard n'avait toujours pas bougé. Il se passait dans son cerveau un phénomène singulier, avec un bruissement de cinématographe. Toutes les scènes de sa vie passée se déroulaient en un spectacle lumineux. Ses souvenirs couraient, se chevauchaient, se mêlaient. Il sentait que ce n'était que des rêves, mais il ne pouvait parvenir à s'en éveiller. Cependant, les trois hommes étaient descendus en levant Fouinard. Le plus grand, le mauvais ton, donnait des ordres. On se trouvait devant une maison à demi démolie, peut-être par un incendie ou dont la construction avait été interrompue. Elle était fermée par une porte branlante. On entra. Rapidement, on traversa une pièce du rez-de-chaussée dont le plafond crevé laissait voir la lueur du ciel. Mais il faisait noir quand même. L'un des Apaches dit « Si qu'on allumerait ?» L'homme veston répondit par une dénégation accentuée d'un juron furieux. On ouvrit une autre porte et on arriva dans une sorte de hangar. « C'est là !» dit l'un. « S'il en ressort, il ira le dire à Rome. » Au milieu, il y avait un trou noir. Le reste du hangar était rempli de pierres, probablement sorties de l'excavation. « Une, deux !» firent les hommes en balançant le corps. Mais tout à coup, comme un réveil soudain, les membres de Toto se détendirent et ses pieds lancés avec force atteignirent un des deux bandits qui poussa un cri furieux. Dans ce mouvement, les mains l'avaient lâché et il était tombé sur le sol de terre battue. Les trois hommes s'étaient jetés sur lui pour le maîtriser. « Poussez-le ! Poussez-le ! » cria l'homme aux dents blanches. Ayant les mains liées, Toto ne pouvait résister utilement. D'ailleurs, il n'était pas revenu tout à fait à lui et la lutte qu'il soutenait n'était qu'instinctive. Cependant, ses pieds agissaient. Deux fois, il était parvenu à faire lâcher prise à ses assaillants. Mais que faire, sans avoir l'usage de ses mains, la tête enveloppée d'une étoffe qui l'étouffait? L'homme, le chef, disait « Finissons-en donc, dans le trou, dans le trou !» Encore une fois, tous trois se ruèrent sur Fouinard, et cette fois, ils parvinrent à le traîner jusqu'à la tache noire qui faisait sur la terre un trou large comme l'embouchure d'un muide. Il sentit que le terrain manquait sous lui. Il eut un râle désespéré, tomba. Mais, dans un dernier ressaut de désespoir, il avait lancé un dernier coup de pied, si étonnamment dirigé par le hasard, que son pied s'enroula en quelque sorte à la jambe de l'homme au veston, qui était tout au bord de l'excavation, pour y mieux pousser sa victime. Et il perdit l'équilibre, et tomba lui aussi, si malheureusement, pour lui, qu'il roula dans le trou en même temps que Toto et disparut après lui en lançant un épouvantable juron. On entendit le roulement des corps, puis des cris, puis plus rien. Les deux Apaches étaient restés interdits, stupéfaits. « Guy ! » fit l'un, « il y a de la casse ! Et le patron qui a dérigolé avec ? Quoi qu'il faut faire ? T'as pas envie de te fiche là-dedans, c'est un abîme ! Ça va dans le fin fond des catacombes, alors ? Alors faisons ce qui a été convenu. Flanquons-leur par-dessus les pierres qui sont là. « Oui, his, en deux temps, quatre mouvements !» Et s'efforçant, se hâtant, les deux bandits poussèrent vers le trou les pierres qui formaient un gros tas, meulières, carreaux de plâtre, quelques pavés. En 5 minutes, la place fut déblayée. Les deux malheureux, s'ils n'étaient pas morts de leur chute, devaient avoir été écrasés. « Maintenant, cavalons !» dirent les deux gredins. « Tout de même, nous avons eu un rude nez de nous faire payer d'avance. Est-ce qu'on va s'en enfiler une noce ?»